Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même, Kevin Laramie, pour ce mercredi 10 avril 2019. Bienvenue à l'émission. Oui, vous entendez présentement ma voix un petit peu distorsionnée. Malheureusement, j'ai tombé victime de ce qu'on appelle le rhume. Et le rhume, R-H-U-B-E, le rhume, je l'ai et c'est ce qui se passe avec ma voix. Bienvenue à l'émission, j'espère que vous pourrez tolérer ce timbre de voix durant peut-être 30 minutes. On va voir combien de temps je suis capable de durer aujourd'hui. J'ai mon verre d'eau et on parle soccer, l'Impact de Montréal. Parlant de verre d'eau 0-0 et les résultats des deux matchs de l'Impact lors du dernier week-end, hier soir, mardi aussi. L'Impact est en une période occupée du calendrier, 3 matchs en 8 jours pour le 11 montréalais qui a débuté samedi dernier au Yankee Stadium à 1h l'après-midi contre le NYCFC. Match nul 0-0 et ensuite pour se terminer hier soir au Audi Field à Washington, D.C., le D.C. United contre l'Impact de Montréal, 0-0 aussi. Quel travail défensif pour Rémi Garde et le 11 montréalais. Quelle réaction suite à cette dégelée de 7-1 contre Kansas City il y a présentement une semaine et demie. Mais je vais parler rapidement aussi. Après la pluie de buts de Kansas City, le beau temps des Jeux Blancs 0-0, je pense que c'est un travail défensif énorme et on peut remercier cette dégelée contre Kansas City d'après moi. Si ça avait été une défaite serrée de 2-1, 1-0, on aurait parlé de positif quand même. Mais lorsqu'on perd 7-1, on doit revoir certaines choses à l'entraînement et on doit se regarder dans le miroir et être capable de passer au niveau supérieur, surtout en ce qui a trait à la défensive, en ce qui a trait au coup de main défensif qu'un Samuel Piette, un Chemi Chaume ou Michael Azira lors des deux derniers matchs qui donnent à la défensive aussi. On a vu une grande amélioration du côté de la charnière montréalaise avec cette implication des milieux défensifs, Chemi Chaume et Samuel Piette, surtout lors des deux derniers matchs, pour aider la défensive à garder le jeu blanc et garder ce beigne et ce résultat sur la route. Lors des 6 premiers matchs de la saison, l'Impact a une fiche de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Une fiche plus qu'honorable, selon moi. Je pense que l'Impact peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Quelle réaction sur la route, on doit l'avouer. 2 victoires et 2 matchs nuls, donc 4 matchs sur 6 que l'Impact a obtenu un résultat. Et même, il y a une certaine déception parce que la victoire était possible lors des 2 matchs qui ont eu lieu sur la route et 2 matchs nuls. Je pense que l'Impact aurait pu avoir un résultat favorable encore plus à New York au Yankee Stadium s'il avait trouvé le fond du filet. Et même chose pour DC, mais je pense que c'est normal aussi. Après avoir eu la plus grande défaite de son histoire, l'Impact se doit de réassurer ses arrières et d'assurer la défense et de penser défensivement un petit peu. Et évidemment, la constance dans ces 3 derniers matchs était l'absence de Nacho Piatti, qui explique aussi le manque de fini, je vous dirais, pour l'Impact. On a eu quelques options offensives. On a vu Zachary Broguillard qui a créé une excellente chance de marquer, probablement la meilleure chance de marquer avec le tir de Samuel Piette qui s'est rendu dans la section 422 du Yankee Stadium aussi. Mais ouais, c'était Samuel, on y a cru. C'était vraiment proche. C'était une belle idée, une belle pensée. L'exécution à 80%, il manquait juste à mettre sur le cadre, mais bel effort, probablement le meilleur effort, le plus près que Samuel a marqué, plus près que Samuel Piette a passé de marquer en MLS, mais je dois l'avouer, c'était très proche et j'ai aimé sa réaction sur les réseaux sociaux qui mentionnait aussi. J'y ai cru, mais c'est ça. Il a tout cru, Samuel, ça a passé proche, mais Zachary Broguillard, quel match! Parlons un peu de ce match contre DC United hier soir. Oui, New York, samedi passé, bien beau, n'a pas eu grandes opportunités de marquer, mais l'Impact a empêché New York de marquer et c'est bien sorti avec un match nul. Et contre DC, je pense que l'Impact a démontré encore beaucoup plus de profondeur qu'on pensait que l'Impact avait. 6 changements apportés aux 11 partants hier soir pour Rémi Garde. Seulement Saphir Taider, Daniel Lovitz, Evan Bush et Samuel Piette. Et Zakaria Diallo, ces 5 joueurs qui étaient les mêmes que lors du match contre New York. Les 6 autres, Anthony Jackson Amel en pointe. On avait Mathieu Schoenaert en tant qu'attaquant droit. Clément Baillat en tant qu'attaquant... Excusez, Choignard attaquant gauche, Baillat attaquant droit, Chamichon en tant que milieu défensif avec Taider et Samuel Piette. Et nous avions Zachary Broguillard en tant que carrière droit, Lovitz arrière gauche. Et nous avions Cabrera et Diallo en charnière centrale. Belle progression, belle contribution, je vous dirais, pour un Cabrera. Diallo solide. Je pense qu'on se rend compte que Diallo est une excellente acquisition. Dommage qu'il a raté l'entièreté de la saison 2018. Peut-être que la saison aurait été différente avec un Diallo en uniforme. Mais en 2019, Zakaria Diallo nous démontre l'importance qu'il a avec ce 11 montréalais. Il est le nouveau général de sa défense, sans oublier, je vous dirais, le marshal ou le brigadier. Le brigadier, c'est Samuel Piette. Samuel Piette qui dirige la possession, qui aide l'Impact à avoir un joueur placé et en position d'intercepter le ballon, d'être capable de bloquer les transitions de jeu de l'autre équipe. Et je pense que Samuel Piette, jouant en sentinelle devant la défensive avec un coup de main solide de Chamichon ou de Michael Azira contre New York, je pense qu'on a vu de grandes améliorations et c'était très bien. Clément Baillat a montré de très grands potentiels en avant-droit. Je pense que sa chimie avec Zachary Broguillard a créé des bons moments. Et Zachary Broguillard a eu probablement la meilleure chance de marquer de ce match. Je pense que c'est pas une coïncidence. On remarque le travail d'un Broguillard avec en avant de lui un Baillat, une certaine communication. Le courant passe bien. Je pense qu'avec Choignard de l'autre côté, avec sa capacité technique, sa responsabilité défensive, en étant capable de voir l'entièreté du projet de jeu et d'être capable de contribuer en distribuant le ballon, j'ai une séquence dans la tête que le ballon s'est transporté de bouche. À chaque joueur de la défense a monté par Broguillard vers Baillat, redescendu en bas, retourné vers la gauche maintenant pour aller à pied à Choignard et revenu une possession, pas seulement en pourcentage, mais lorsque l'Impact avait le ballon, capable de le bouger, d'être patient, d'avancer en bloc. Et je pense que l'Impact a créé ses meilleurs moments de ce match contre DC en faisant justement ça. Et les six nouveaux joueurs, les six changements, les six Canadiens qui ont joué pour l'Impact durant ce match ont été, l'histoire du match, ont été l'inspiration, l'étincelle de ce match. Anthony Jackson-Hamel n'a pas réussi à marquer malheureusement, mais a bien contribué. J'ai une autre séquence en tête que je le vois revenir en défense en face de sa boîte, être capable de bien couvrir. Malheureusement, il avait perdu le ballon, mais il a continué son effort, a racheté son erreur et a aidé l'Impact à retrouver la possession du ballon. Et l'Impact a transitionné vers le dernier tiers offensif en bloc et est capable de contribuer ensuite vers une chance de marquer. Donc vraiment, les six Canadiens, Anthony Jackson-Hamel, Mathieu Choignard, Clément Baillat, Chamit Chaume, Zachary Broguillard et Samuel Piette. Belle performance hier soir. Le soccer canadien is back. On est de retour. Ça va être une belle été en Gold Cup, en la Coupe d'Or. Ça va être une belle qualification pour la Coupe du Monde, je crois, et l'Impact a son mot à dire là-dedans. Je pense que si l'Impact fait jouer un Mathieu Choignard, un Clément Baillat et même un Chamichon de façon régulière dans les prochains mois, je vous dirais, en espérant, et Broguillard surtout, qui a déjà commencé avec l'équipe nationale, je pense qu'on a une belle avenir et c'est le fun de voir cette réconciliation du soccer canadien avec l'Impact de Montréal en 2019. C'est bien plaisant. Donc, beau voyage pour l'Impact, tout est partout, fiche 2-2-2, 500, littéralement, l'Impact sur la route. Une belle fiche. Et je pense qu'ils ont ouvert des yeux. Mathieu Dorn en parlait justement sur les réseaux sociaux hier en disant que l'Impact, pas trop mal. Et se retrouve en position de pouvoir réussir à jouer plus que 500 à la maison et faire les séries n'est pas une illusion. Je pense que l'Impact est satisfait de ce voyage. Regardons ce que l'Impact aura à affronter durant les prochaines semaines. Donc, nous avons ce samedi, le 13 avril, contre le Crew de Columbus à la maison au Stade Saputo. Premier match au Stade Saputo. Le mois d'avril, comme je vous disais, est le mois le plus important de l'année pour l'Impact, selon moi, et il est bien débuté. On parle déjà de deux matchs et, encore une fois, aucun but accordé au mois d'avril. Deux blanchissages de suite, deux matchs nuls. Montréal-Columbus, on voudrait penser que l'Impact sera galvanisé de retrouver ses partisans pour la première fois de la saison. Devrait donner un bon match. Columbus, une bonne équipe, mais 1-0, 2-1 Montréal, je ne serais pas surpris. Donc, on devrait avoir une victoire ici. Ensuite, contre Philadelphie sur la route, si l'Impact joue comme ils ont joué contre DC, Philadelphie pourrait être une équipe battable. Et même chose pour la Nouvelle-Angleterre. Et ensuite, à la maison, à Chicago, l'Impact, s'il joue comme ils l'ont commencé le mois, pourrait se retrouver avec 6 matchs au mois d'avril et être invaincu en 6 matchs. Je pense que je fabule pas en voyant un chemin vers le résultat. Quand je regarde Montréal-Columbus, je pense que Montréal est favori. Montréal-Philadelphie, je pense que c'est pas aussi pire que DC. Même si DC manquait Rooney, une bonne équipe quand même, une bonne petite équipe, comme on dirait, même si Acosta n'est pas l'ombre de lui-même depuis son transfert achoppé avec Paris Saint-Germain. Mais Philly, je pense que c'est une équipe battable. Montréal pourrait avoir de la misère. C'est vraiment le match le plus difficile qui reste au mois d'avril. Mais New England, Foxborough, là. L'Impact peut gagner cela, là. Je pense que même si l'Impact n'a jamais vraiment connu de succès à Foxborough, je pense que maintenant c'est le temps, là. Foxborough, c'est un incendie de pneus présentement, là. Et Montréal pourrait aller là-bas et finalement gagner un bon résultat. Montréal contre Chicago pour terminer le mois au Stade Saputo. Je pense que l'Impact se doit de gagner ce match. Je pense que l'Impact se doit de gagner ces deux matchs à domicile au mois d'avril pour vraiment s'établir comme favori dans l'Est. Je pense que c'est l'opportunité. Avec New York qui vaut pas de la chenoute en date en 2019, les deux, là, NYCFC et New York, on va parler des résultats dans quelques instants. Red Bulls, ça va pas bien là. T'as rien de perdre la corrida, le taureau, là. Puis je pense que l'Impact pourrait être une des équipes qui profite de cette maladresse des équipes new-yorkaises en 2019. Donc je pense que pour l'Impact, le mois d'avril est extrêmement important. Mais pourrait finir avec une autre ou deux machines, peut-être deux autres victoires avec les deux. C'est pas impossible. Le match contre Philly sera le plus dur, selon moi, sur les matchs qui restent en MLS au mois d'avril pour l'Impact de Montréal. Regardons les résultats de cette fin de semaine en MLS. Le Galaxy qui a gagné à Vancouver 2-0 contre les Whitecaps, les Dessus de Montagne Blanc de Vancouver n'ont toujours pas gagné en 2019. Les joueurs de Marc Dos Santos n'ont pas connu la victoire. Encore. Et cette victoire du Galaxy est signée Zlatan. Il aurait dû en marquer deux, a manqué un filet presque désert, mais a une passe décisive sur le premier but et aussi le deuxième but. Donc, Galaxy 2, Vancouver 0. On a le match nul de l'Impact. Toronto 2, Chicago 2. Un match que Toronto aurait dû gagner, ont échappé un but au début de match, mais ont été capables de trouver le but égalisateur plus tard. Donc, Toronto toujours invaincu en 2019 en MLS. DC a mangé une volée samedi dernier contre LAFC, qui est la meilleure équipe de la Ligue, je dois vous l'avouer, et de loin. 4-0, Diego Rossi 3 buts, Carlos Vela 1 but, Diego Rossi nommé joueur de la semaine en MLS et Carlos Vela nommé joueur du mois en MLS. Ensuite, les Red Bulls ont perdu 2-1 à la maison contre Minnesota. En 2019, les Red Bulls ont perdu contre Minnesota, contre Orlando, puis contre Chicago. Ça, là, mes chers taureaux, là, vous avez perdu contre les trois pires équipes des trois dernières années dans la Ligue, là. C'est ça. À la maison, en plus. Orlando 4, Colorado 3. Match très intéressant. Ce soir, mercredi soir, Colorado était supposé jouer contre Seattle, mais à cause d'un blizzard au Colorado à Denver, le match est reporté au 7 septembre 2019 à 21h. Donc, on se reprendra dans quelques mois pour ce Seattle-Colorado au Colorado. Philadelphie 2, FC Dallas 1. Belle victoire pour l'Union, qui est le prochain adversaire sur la route de l'Impact dans 2 semaines. Columbus qui a gagné à la maison contre New England. Columbus qui est le prochain adversaire de l'Impact et qui a une victoire, une bonne fiche cette année pour Columbus, qui est une bonne équipe, dur à battre, nouvel espoir est né en ville avec les nouveaux propriétaires, avec les nouveaux plans pour le nouveau stade et la nouvelle communauté créée autour de cette équipe. Je pense que l'avenir est belle, le bel avenir à Columbus pour le Crew. 1-0 contre les Revolution de la Nouvelle-Angleterre. San Jose 3, Portland 0. San Jose finalement gagne leur premier match de la saison 2019 contre les pauvres Timbers de Portland. C'est pas vraiment les Timbers. De ce temps-là, ça ressemble pas mal à des cuillères de bois, même je dirais cure-dents. Pas, parce que c'est pas des bûches, là. On parle pas des bûches de Portland. Ils ont de la misère. La pire équipe de la Ligue. Présentement, ils sont derniers en MLS. Pour les finalistes à la Coupe MLS 2018, ils ont perdu évidemment l'année dernière Ah, finale, mais Colin, quand vous pensez que Portland a perdu en finale contre Atlanta et ils sont même pas capables de bien jouer, ils se font marquer des buts. On dirait que Portland est Saint-Losé. Saint-Losé n'est pas vraiment même meilleur, mais 3 buts. Première victoire de la saison. Et nous avions aussi le dernier match qui avait lieu samedi, Seattle 1, Real Salt Lake 0. Cincinnati 1, Kansas City 1. Peut-être le lendemain de veille de la CCL pour Kansas City. Après leur match record contre Montréal, ils ont mangé une autre volée de 5-0 contre Monterey. Donc, ils ont planté Montréal 7-1. Ils ont mangé une volée de 5-0 contre Monterey en Ligue des Champions. Ils reviennent à MLS faire un match nul contre une équipe d'expansion FC Cincinnati 1-1 sur la route. Nous avions le match 0-0 de l'Impact hier soir aussi pour terminer ce résumé des autres matchs en MLS durant la dernière semaine. Grosse rumeur qui se veut peut-être confirmée plus tard dans la journée ou demain. Omar Brown, joueur du Club Atlético Independiente au Panama, CAI, l'équipe qui a éliminé le Toronto FC de la Ligue des Champions en 2019 de la CONCACAF. Omar Brown, ailier droit de cette équipe, un joueur, je dirais, avec un certain talent technique, une bonne rapidité et qui a bien paru contre Toronto, est probablement en chemin pour Montréal, aussitôt que demain, selon quelques médias panaméens que vous pouvez trouver facilement sur les réseaux sociaux. Selon certains médias latinos, en partant d'aujourd'hui, c'est confirmé, c'est officiel. Le joueur de CAI, Omar Brown, se joindra à l'Impact pour un prêt de 6 mois avec possibilité d'acheter son contrat et possibilité d'option d'achat, comme on dit en termes immobiliers. Donc, une location avec possibilité d'achat pour l'Impact de Montréal, pour Omar Brown, 6 mois, un prêt. Et apparemment, il serait en direction de Montréal demain en partant du Panama. Donc, nous aurons plus de détails, mais l'ailier droit, un joueur offensif, peut-être un remplaçant direct de Alejandro Silva pour le futur, probablement, et probablement la solution bandage rapide d'un joueur pour remplacer Silva, en attendant que Baia soit prêt à 100% pour occuper ce poste de partant. Je pense que c'est ce qu'on pourrait voir dans les plans de l'Impact avec Omar Brown et ce qui expliquerait aussi la transaction de la semaine dernière, que l'Impact a envoyé 150 000 $ d'allocation à Cincinnati pour une place de joueur étranger qui pourrait être utilisée pour Omar Brown. Et pour terminer l'émission aujourd'hui, parce que oui, une émission un petit peu écourtée, comme vous pouvez le voir, ma voix est un petit peu en difficulté. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On va terminer avec l'équipe canadienne féminine qui a disputé 2 matchs amicaux internationaux. 1-0, victoire de 1-0 contre l'Angleterre le 5 avril dernier, avec un but de Christine Sinclair. Il en manque seulement 4 pour égaler le record de Abby Wambach pour le plus grand nombre de buts marqués en histoire, en équipe nationale, dans l'histoire du monde, de l'univers, toujours, de la galaxie, de l'univers, du monde, de tout. Donc, Sinclair, à la 80e minute, a marqué, et maintenant, il en manque juste 4 pour égaler, 5 pour le battre, ce record d'Abby Wambach. Et ensuite, le 8 avril, le Canada a marqué 2 buts pour battre le Nigeria 2-1. Première fois de son histoire qu'il batte les championnes d'Afrique pour le Canada. Un but de Janine Becky à la 47e minute avec l'assistance de Christine Sinclair et le but gagnant à la 53e minute pour Sophie Schmidt pour le Canada pour cette deuxième victoire durant ces fins de semaine où ils ont connu 2 matchs amicaux, 2 victoires pour l'équipe canadienne qui se prépare pour la Coupe du Monde cet été en France où nous verrons sûrement Christine Sinclair battre ce fameux record. Espérant que ça va arriver cet été. Pour terminer l'émission, 2 petites nouvelles qui sortent de la MLS et une dans la Ligue canadienne. L'ancien choix de l'Impact, Blake Smith, a signé avec le Ca... non, excusez-moi, en Canadian Premier League, oui, avec Pacific FC de l'île de Victoria. Blake Smith, de retour au Canada, continuera sa carrière en Canadian Premier League. Il a préféré la Canadian Premier League à quelques offres de la USL à ce qu'on m'a fait entendre. Donc, Blake Smith, de retour au Canada, re-bienvenue au Canada, Blake Smith, tu seras toujours dans mes mémoires pour ce fameux saut périlleux arrière lorsque tu avais célébré, lorsque tu as marqué ton but avec l'Impact de Montréal il y a plusieurs années. Et l'autre nouvelle dans laquelle je veux parler avant de quitter c'est aujourd'hui et d'aller reposer ma voix, c'est Sacramento. La ville a accordé un package de 33 millions de dollars pour aider l'immobilier, les infrastructures qui pourraient avoir lieu autour du nouveau stade proposé qui est financé par le secteur privé de 252 millions. Donc un stade pour le soccer et la MLS était très contente de cette entente et surtout de cette démonstration de volonté de la part de la ville de Sacramento d'investir des fonds publics pour améliorer l'infrastructure autour d'un stade qui est financé par le privé. Je pense que cette ouverture de Sacramento pourrait être ce qui manquait pour la ville pour être considérée par la MLS. Il y a apparemment une rencontre des gouverneurs de la MLS la semaine prochaine pour parler des prochaines franchises d'expansion et les prochaines équipes en MLS. Plusieurs nouvelles sortant de Miami aussi, donc on va garder un œil sur ce qui se passe à Miami. Mais Sacramento pourrait finalement, peut-être un jour, faire son apparition en MLS avec la volonté politique qu'on y voit maintenant et la volonté financière du secteur privé avec ce nouveau stade de 252 millions qui sera construit dans les prochains mois. Si le tout se passe bien à Sacramento, donc le Republic pourrait peut-être finalement monter de la USL en MLS dans les prochaines années et faire comme Nashville, qui est la prochaine sur la liste, de faire le saut, le grand saut, lequel FC Cincinnati et Minnesota ont fait au courant des dernières années. J'espère que vous aimez cette émission. Si vous nous aimez, suivez, partagez. Un petit retweet, un petit « je partage » sur Facebook nous aide énormément. Si vous allez sur iTunes ou partout où vous trouvez la version balado de nos émissions, likez, partagez, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément pour les classements et être capable de prouver aux potentiels annonceurs que nous avons beaucoup de potentiel. Et nous parlons soccer depuis 2013 et je vais toujours parler soccer. Donc, merci de nous suivre. @ sur transversale sur Twitter. Notre page Facebook, facebook.com/sur la transversale. Mon compte personnel, @KevLaramé. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite, comme d'habitude, un bon soccer.